Stephen King aime les hôpitaux, Stephen King aime les séries danoises, Stephen King a scénarisé Kingdom Hospital et Craig Baxley l'a réalisé. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois au Vidéoclub de Castle Rock. Comme toujours, je suis avec Chris. Salut. Ça va ? Bien. Donc, on va parler de la première série longue. Avant, on avait fait des mini-séries. Là, il y a quand même toute une saison de 13 épisodes. La série a été diffusée sur ABC entre le 3 mars et le 15 juillet 2004. Alors, 13 épisodes, c'est en anglais et il y en a 15 en français, puisque les premiers et derniers de la version originale sont des épisodes doubles qui ont été divisés en français. Voilà, qui ont été divisés en deux épisodes dans la VF. Et bon, bah, on va spoiler la série, donc si vous ne voulez rien en savoir, arrêtez-vous là, allez la voir, prenez un moment, et puis revenez avec nous ensuite. Prenez un bon moment quand même, hein, c'est plus de 10 heures de programme. Bon, c'est une dizaine d'heures au total. Mmh. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Et voilà, c'est parti. Charred remains of a child labor factory lies Kingdom Hospital. Someone there, Brooker. What was once buried is now reborn with a vengeance. What are you? Peter. My God. The thrilling top-rated miniseries. There, did you hear that? From the haunting imagination of Stephen King. Is now on 4 frightening DVDs. No! Packed with exclusive special features. It's like the whole mess is healing itself at warp speed. What did you see, Dr. Hook? I'm not sure. Andrew McCarthy, Bruce Davison, Diane Ladd, and Ed Begley Jr. Things have changed here at Kingdom Hospital, and something has awakened. What happened here? Check yourself in to own. Kingdom Hospital on DVD. I'm afraid. Who are you afraid of? La série suit divers patients et médecins du Kingdom Hospital à Lewiston dans le Maine, qui a été construit sur le site d'une ancienne fabrique d'uniformes nordistes pendant la guerre de sécession qui exploitait des enfants. Et c'est quelle idée. Quelle idée de lieu pour créer un hôpital quand même, hein. C'est extraordinaire. Je croyais que tu voulais dire quelle idée d'exploiter des enfants. Non, ça c'est normal. Oui, ça, c'est courant surtout. Et c'est le deuxième hôpital à être bâti à cet endroit, puisqu'il y en avait eu un qui a brûlé au début du XXe siècle, et dont on va pas mal parler dans la série. Plusieurs phénomènes étranges ont lieu dans l'hôpital, il y a des tremblements de terre très réguliers et de plus en plus forts, des pleurs d'enfants, des visions d'une sorte de fourmilier denté qui s'appelle Antibus. Enfin, des pleurs d'enfants dont on ne sait pas d'où ils viennent, parce que des pleurs d'enfants dans un hôpital, c'est un peu normal ici. Oui, des pleurs d'enfants en dehors du département pédiatrie. Voilà, précise quand même. Ouais. Il y a aussi une petite fille avec une clochette, Marie, qui apparemment sonne sa clochette pour les gens qui sont sur le point de mourir, et un adolescent fantôme, lui aussi assez inquiétant. Et plus loin dans la série, il y a aussi un docteur, visiblement qui n'a pas tous ses diplômes, qui va apparaître. Et donc on suit des patients et des médecins de l'hôpital qui vont être obligés d'enquêter sur ce qui se passe dans le lieu parce qu'une catastrophe semble approcher. En 1997, alors qu'il était en train de préparer la mini-série Shining, King, qui est avec Mark Carliner, producteur exécutif sur Shining, La Tempête du Siècle, Rose Red et Kingdom Hospital, sont dans un vidéoclub, et ils tombent sur un montage film de la première saison de L'Hôpital et ses fantômes, Rigette en VO. Alors, la prononciation des noms danois, je préviens tout de suite, ça va être une catastrophe. C'est The Kingdom. C'est, voilà, The Kingdom, une série qui date de 1994, créée par Lars von Trier, écrite par von Trier, Nils Horselet et Thomas Gislason, et réalisée par von Trier et Morden Arnfred. Désolé, encore une fois, des prononciations. Tu t'en sors bien. La série n'avait qu'une saison à l'époque où King la découvre dans ce montage-là, puisque la deuxième saison passe justement dans son pays d'origine en 97. Elle est sortie 3 ans plus tard que la première, donc on peut imaginer que King l'a vue plus tard. Mais dès le début, tant King que son producteur exécutif veulent acheter les droits de la série. Mais ils apprennent que Columbia Pictures est déjà sur le coup et a déjà acheté les droits avec l'intention d'en faire un film. Sauf que quelques années plus tard, Columbia se rend compte que faire un film de 2 heures avec tout ce qu'il y a dans la série, ça allait être extrêmement compliqué, voire impossible, donc ils acceptent d'abandonner les droits à Stephen King en échange de ceux de Vue imprenable sur Jardin secret, qui donnera le film Fenêtre secrète. C'est la première fois que King va adapter l'œuvre de quelqu'un d'autre. Il garde un certain nombre d'éléments de la série originale, déjà l'ambiance, le mélange d'horreur, de comédie et de drame, c'est exactement le mélange qu'on retrouve dans la série de Lars von Trier. Dans les personnages, il y en a certains qui sont repris quasiment tels quels, d'ailleurs il y a certains noms qui sont très proches, par exemple dans la série danoise, l'équivalent de Stigman il s'appelle Stig, et l'équivalent de Madame Druse s'appelle Drus, et Hook a le même surnom dans les deux. Par contre, il va rajouter, il va déjà supprimer plusieurs sous-intrigues, et il va en rajouter d'autres, notamment Peter, le personnage du peintre accidenté, ça vient clairement de King, d'ailleurs c'est exactement la manière dont lui a eu son accident. Et Antubis aussi est un ajout complet de la part de King. Donc Antubis qui est une sorte d'esprit de la vie et de la mort qui se manifeste principalement sous la forme d'un fourmilier carnivore, on va dire ça comme ça. Tabitha d'ailleurs, au sujet de l'accident qui ouvre la série, a demandé à King jusqu'à quand il comptait revivre cette scène, et King a dit jusqu'à ce que j'ai réussi à l'exorciser. L'hôpital et ses fantômes, la série de Lars von Trier, c'est une série inachevée. Alors on peut se douter que dans tous les cas, il n'aurait pas donné toutes les réponses, parce que ça reste Lars von Trier et il aime bien entretenir des zones de flou dans ses films. Mais là, au terme de la deuxième saison qui se termine de manière très ouverte, l'acteur Ernst Hugo Jarregard, qui joue Stig, meurt en 1998, et l'actrice Kirsten Rolfs, qui joue Drus, meurt en 2000. Donc ça a clairement empêché que la série puisse continuer, parce que c'est deux des rôles principaux. Alors que la saison 3 était bien prévue. Elle est écrite, elle est même écrite, donc elle était bien prévue. Oui, c'était écrit, c'était signé, ça aurait dû avoir lieu. Ouais. Et maintenant c'est totalement fini, parce qu'il y a une bonne moitié du casting qui est mort maintenant. Donc la série laisse beaucoup de questions sans réponse. Il y a une rumeur qui dit que von Trier aurait envoyé les scripts de la saison 3 à King quand il a fait Kingdom Hospital, mais il n'y a rien qui vient le confirmer, et surtout, de toute façon, on ne saurait pas si King les a utilisés ou non, donc c'est vraiment juste une rumeur. Mais en tout cas, il semblerait que von Trier était très content que Stephen King adapte son travail. Ce qui m'a un peu étonné, étant donné le caractère que j'associe à Lars von Trier, en fait. C'est-à-dire ? Celui d'être un connard. On est d'accord. Qui faisait des bons trucs à l'époque, hein, mais voilà. Un connard un petit peu néo-nazi sur les bords. Ouais, moins à l'époque, peut-être. Commencer à s'y intéresser, je sais pas. Commencer à chercher comment obtenir sa carte de membre. Voilà. On se lâche. King, quand il se lance dans l'écriture de la série, demande l'aide de Richard Dooling, qui est un auteur avec une assez solide expérience du milieu hospitalier. Il a lui-même travaillé à je ne sais plus quel poste dans la médecine dans un hôpital. Au début, il voulait son aide pour la recherche et pour l'écriture de la Bible. Donc dans une série, la Bible, c'est une sorte de gros fascicule avec toutes les idées de la série, de scénarios, de personnages, de lieux et d'univers, et toute la manière dont on compte la réaliser. C'est le lore, quoi. Voilà, c'est ça. Et finalement, Dooling va prendre une place encore plus importante puisqu'il va coécrire l'épisode 6, écrire seul les épisodes 7, 8, 9 et 12. En dehors de ça, King se base sur une histoire de Tabitha King pour l'épisode 11, mais sinon il écrit seul toute la série. Et Dooling a aussi écrit The Journals of Eleanor Drus, qui est une novélisation de la série du point de vue de Madame Drus, donc de la médium. D'accord, je ne savais pas. Mais je ne l'ai pas lu. Voilà, parce que j'ai découvert que ça existait en faisant les recherches il y a 2 jours pour cet épisode, donc voilà. D'accord. En off, c'est dispo en France ? Ça a été édité ? Non, c'est que en anglais. Et apparemment, Dooling est connu aux États-Unis pour avoir écrit un livre qui s'appelle White Man Grave, mais qui n'a visiblement pas été traduit, qui n'est pas connu en France, mais il y a un des personnages de la série qui le lit à un moment. D'accord. Alors que globalement, les personnages de la série aiment beaucoup lire du Stephen King. Oui, il y a Misery et Sackdose dans mon souvenir qui apparaissent. Brume aussi, je crois, à un moment. C'est possible. Brume, ouais. Il me semble aussi. King va demander à Craig Bexley de réaliser la série, donc il avait déjà collaboré avec lui pour La Tempête du Siècle et Rose Red, et Bexley va s'occuper seul de tous les épisodes, ce qui était relativement peu fréquent à l'époque, que quelqu'un fasse seul toute une série, mais en même temps, toute la saison était scénarisée au moment du tournage, donc ça a été un bloc de tournage, et pas comme l'était la majorité des séries au fur et à mesure de la diffusion. Ce qui l'est aussi rare aujourd'hui, hein, cela dit. Ouais, j'ai l'impression que ça arrive un peu plus souvent quand même. Il y a quelques cas, mais c'est pas non plus ultra fréquent, quoi. Oui, effectivement. Si, bon. Il y a des exemples, oui, mais bon. Au casting, donc on va passer sur les plus importants tout de même. Pour ce, il y a un solide casting, vous vous doutez bien, en 15 épisodes. Dans le rôle de Hook, donc le médecin, le chirurgien principal et le plus sympathique du lot, on a Andrew McCarthy, un acteur américain considéré comme faisant partie du Brat Pack, qui a joué dans des films comme Saint Elmo's Fire ou Rose Bonbon, que je n'ai pas vu mais j'ai entendu parler des deux, ainsi que dans pas mal de séries télé et téléfilms, même si aujourd'hui il semble s'être surtout tourné dans la réalisation pour des séries. Il a réalisé plusieurs épisodes d'Orange is the New Black, par exemple. D'accord. Et il a aussi joué le rôle principal dans Jour tranquille à Clichy, un film de Claude Chabrol. Ah oui ? Ouais, en 1990, il joue l'écrivain Henry Miller. Ah tiens ! Voilà. Que je n'ai pas vu du coup, bah, ça m'a curieux. Moi non plus, mais j'aime beaucoup Chabrol. Bah oui, pareil, donc c'est curieux. Ouais. Et il voulait vraiment beaucoup le rôle, apparemment il avait raté sa première audition, et il a rappelé Craig Bazin, je crois, ou un des producteurs, en lui disant « Je veux vraiment retenter ma chance, j'ai fait de la merde, mais je vaux mieux que ça. » Et il a eu le rôle à la deuxième audition. D'accord. Dans le rôle de Stigman, un chirurgien moins aimable, on va dire. Hein. Un personnage exécrable. Ouais. On a Bruce Davidson, qui avait joué dans le film d'horreur Willard, qui est assez culte, mais que je n'ai pas vu non plus. Non plus. Il avait gagné le Golden Globe du meilleur second rôle pour sa performance dans Un compagnon de longue date en 1990, un film qui parle d'une communauté homosexuelle qui doit affronter la mort de l'un d'eux, qui tombe malade, qui attrape le sida. Et il a aussi joué le rôle du sénateur Kelly dans les deux premiers X-Men. Oui. Je ne l'avais pas du tout reconnu, moi. Je me souviens. Il joue aussi dans The Lord of Salem de Rob Zombie et dans Titanic 2 de Asylum. Ouais. Je me souviens de Lord of Salem, je me souvenais pas l'avoir vu dans Titanic 2. Je l'ai vu Titanic 2. T'as vu Titanic 2 ? J'ai vu Titanic 2. Moi j'ai pas osé faire ça, j'ai déjà assez souffert dans le premier. Ah mais c'est pourtant extraordinaire. Peut-être un jour. À ça, il faut ajouter pas mal de rôles à la télévision, dont un des rôles principaux dans une sitcom qui s'appelle Harry et les Henderson, qui a l'air d'être n'importe quoi. C'est à l'air d'être un peu Alf, mais avec un Yeti ou un... Enfin Bigfoot, d'accord, si j'ai bien compris. Ça date des années 90, et nous on le retrouvera dans Un élève doué, puisqu'il a un petit rôle. Et il avait déjà fait le livre audio Roadmaster à l'époque. Et alors ça n'a rien à voir, mais il a aussi joué dans It's My Party, que je n'ai pas vu, mais qui est une des meilleures BO de Basil Paul Douris au piano solo. Voilà, comme ça j'ai eu l'occasion de placer Basil Paul Douris, qui n'a jamais mis en musique de King. Et ben d'ailleurs. Voilà. Et lui il a été prévu dès le début pour son rôle. Oui, c'était King qui le voulait absolument, ouais. Dans le rôle de Madame Drousse, on a Diane Ladd, qui a pas mal joué au cinéma et à la télévision. On l'a vu chez Scorsese, par exemple, dans Alice n'est plus ici, qui est un Scorsese que je n'ai pas vu. Mais son rôle le plus emblématique, c'est celui de la mère de Lula, dans Sailor et Lula, de David Lynch, où elle est assez géniale. Ouais, clairement. J'adore ce film. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire aussi. Le film en lui-même est assez génial. Ouais. Enfin, et... la filmographie de David Lynch est assez géniale. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment un de ses meilleurs, Sailor et Lula. Et elle était apparemment très intéressée elle-même par la divination, donc elle a beaucoup aimé le rôle, et visiblement elle faisait l'horoscope des autres acteurs au jour le jour sur le tournage. Ouais. Dans le rôle de Peter, on a Jack Coleman, surtout connu pour avoir joué un des rôles principaux dans Dynasty dans les années 80, puis dans Heroes, après Kingdom Hospital, mais comme j'ai vu aucune des deux séries, moi je ne l'ai pas reconnu. Dans le rôle de Brenda, qui est la seule infirmière à être du côté de Stigman, on a Megan Fay, qui est une actrice surtout active à la télévision, mais avec peu de rôles majeurs et au théâtre. Et je la mentionne surtout parce qu'elle a joué dans pas mal d'épisodes de Malcolm, dans le rôle de Gretchen, apparemment une Allemande qui tient un ranch, d'accord, dans une des saisons, qui collectionne les statuettes et qui a joué dans un porno sans le savoir. Je précise ça parce qu'en fait, celui qui nous a fait les jingles, Nicolas, est fan de Malcolm, et donc il m'a communiqué toutes ces informations-là. D'accord. Donc bonjour Nico, si bonjour, tu nous Nico. Écoutes. Dans le rôle de la petite Marie, donc le fantôme, c'est pas une chanson de Cabrel, on a Jodel Ferland. Ni de Johnny. Ah oui, je l'avais oublié celle-là. Donc Jodel Ferland qui a continué sa carrière, que t'as dû voir dans au moins un autre film, peut-être deux. Donc qui date de la même époque et où il y a un personnage de petite fille. Est-ce que ça te vient en tête ? Bah écoute, dis-moi. Alors, le premier c'est Tideland, ah oui, de Terry Gilliam. Oui, que j'ai vu. Et le deuxième, c'est Silent Hill de Christophe Gans. Ah, mais oui, c'est la gamine, joue, c'est la gamine du couple. La gamine du couple et du coup la méchante gamine dans Silent Hill. Alissa. Depuis, elle a continué sa carrière. Elle fait une voix dans le très très bon Paranorman. Et elle a aussi un rôle récurrent dans la série de SF Dark Matter, qui apparemment est pas mal. Et nous, on la retrouvera dans le téléfilm Carrie, mais du coup, elle devait être vraiment toute jeune, elle joue Carrie enfant. Et enfin, dans le rôle de Jesse James, le patron de l'hôpital qui n'en a rien à branler de son hosto, on a Ed Begley Jr., qui est un acteur extrêmement actif, sa filmographie tant télé que cinéma est monumentale. Il a surtout joué des seconds rôles, pour ma part je l'ai vu dans La Féline, celui de Paul Schrader, et dans Whatever Works de Woody Allen. Il a un des rôles principaux dans la série Hôpital Saint Elsewhere dans les années 80. Bah, décidément. Voilà, bah, beaucoup d'acteurs de série, mais oui, il est abonné aux hôpitaux, visiblement. Voilà. Et visiblement, c'est un activiste ultra engagé dans les luttes écologiques. Il avait une voiture électrique à l'époque du tournage de Kingdom Hospital, ce qui devait pas être fréquent du tout à l'époque. Déjà qu'aujourd'hui. Oui. En dehors de ça, c'est des acteurs de télévision, dont une partie sont canadiens, donc je pense que ça ne mérite pas forcément qu'on s'attarde dessus, mais oui. Voilà, le casting est bon, ensemble. Le budget est estimé à 37,5 millions de dollars selon IMDb. Le tournage a duré environ 150 jours, en grande partie dans la région de Vancouver. Et on retrouve pas mal des membres réguliers des collaborations entre King et Baxley. Donc on a à la production Bruce Dunn, Robert F. Phillips et Mark Carliner qui ont produit aussi Rose Red et La Tempête du Siècle. Il y a aussi en plus Marianne Waterhouse, Lisa Henson, Thomas Brodeck et Janet Young. Le directeur photo c'est toujours David Connell, comme sur les deux autres mini-séries aussi. Le production designer Craig Stearns, le monteur Sonny Baskin, et la musique est toujours de Gary Chang aussi, donc c'est une équipe qui était habituée à travailler ensemble. Tant qu'on est à la musique, je la trouve moins efficace que celle de La Tempête du Siècle. En fait, elle marche bien dans les pistes d'angoisse, les pistes comédie ou drame sont beaucoup plus banales, je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé, oui, toi. Oui, je suis d'accord. Baxley voulait tourner en 35 mm, ce que ABC avait refusé, donc apparemment ce serait King qui aurait payé de sa poche pour la pellicule. Mais c'est une anecdote dont j'ai pas trouvé confirmation, donc je sais pas d'où elle sort, si ça se trouve c'est totalement faux. Mais voilà. D'après IMDb, il aurait aussi payé pour faire plus de publicité à la série, mais à côté de ça, je trouve une interview où il dit qu'au contraire, il était satisfait de la manière dont ABC avait fait la promo, donc pareil là-dessus, je sais pas. Ouais, c'est deux informations qui sont. Ouais, j'ai deux sons de cloche. Quoi. Le design d'Antubis est géré par Mark Crash McCreary, qui a aussi travaillé pour Shyamalan sur La Jeune Fille de l'eau et Le Village, et sur plusieurs gros films, dont La Malédiction du Black Pearl, les Jurassic Park et le premier Jurassic World, Small Soldiers, Rango, AI, Entretien avec un vampire, La Machine à explorer le temps, Edward aux mains d'argent et Batman le défi sans être crédité. Oui, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quoi. Ouais, et Dreamcatcher au design des aliens, mais bon, on a tous des moments d'errance. Il y a peut-être 5 minutes, voilà, il s'est dit je vais dessiner un caca, voilà. Il y a peut-être des impôts à payer, simplement. Oui, aussi. Et ensuite, les effets spéciaux ont été supervisés par Jean-Luc Dinsdale, qui a beaucoup travaillé ensuite sur Smallville et Arrow, et par James Tichenor, qui a aussi travaillé sur Smallville et sur Stargate SG-1. Et enfin, les dessins de Peter sont peints par James Wyos, qui est apparemment un peintre assez connu aux États-Unis, mais comme je ne connais pas du tout en peinture, moi, je découvrais le nom pour la première fois. Oui, pareil. La chanson du générique, c'est Worry About You. Elle n'a pas été composée pour la série, c'était composée par le groupe Ivy et elle apparaissait sur un album qui date de 2000 ou 2001. Et elle est plutôt sympa. Ouais, et la série a d'ailleurs eu une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure séquence de titre et pour les meilleurs effets visuels. Et effectivement, la séquence de titre, je la trouve superbe. Ouais. Non, le générique est très très chouette. Il fait un peu Twin Peaks d'ailleurs. Mmh. Globalement, ça fait Twin Peaks. Hein. Oui, bah, en même temps, l'hôpital et ses fantômes de Lars von Trier, ah. Il admet totalement l'inspiration Twin Peaks, donc c'est forcé que ça retranscrit, que ça transparaisse aussi. C'est ça, là c'est limite encore plus flagrant. Quoi. Ouais. Là c'est vraiment, tu prends urgence Twin Peaks, tu secoues et t'as l'hôpital et ses fantômes et t'as Kingdom Hospital. Oui. La réception critique a été très mitigée. Le New York Times a reproché l'absence d'un scénario consistant et de suspense. USA Today n'a pas aimé les changements d'ambiance et le jeu d'acteur. Et après un premier épisode qui avait été vu par 14,04 millions de personnes, la série va perdre près de la moitié de ses spectateurs dès le deuxième, et va descendre jusqu'à 2,4 millions à l'avant-dernier épisode, avant de remonter un peu à 3,7 pour le tout dernier. Toujours est-il que c'est des scores trop faibles pour permettre que ce soit renouvelé pour une saison 2, malgré une fin qui le permettait. Oui. C'est-à-dire, au contraire de la série de Von Trier, on a quand même une vraie fin, une vraie conclusion, mais il y avait largement des portes ouvertes. Oui. Et aujourd'hui, la série a 46% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui la place 9e de notre classement, et 2,2 étoiles sur Allociné, ce qui la place 13e. Donc ça reste donc un programme pas très apprécié. Même question pour Cujo. Les gens qui ont mis 2, est-ce que c'est ceux qui aiment le fléau ou pas ? Encore une fois, j'ai pas assez de témoignages pour... Faudrait faire des listes, tu vois, tenir il des comptes. Il faut un barème, en fait. Ouais. Il faudrait avoir notre liste noire, en fait. C'est ça. Ou après, comme on l'a dit en off, peut-être que c'est nous qui avons des goûts de merde. Non, les fichiers S de Stephen King. King disait à l'époque que c'était son travail dont il était le plus fier, mais désormais, j'ai pas trouvé d'interview récente où il en reparlait. Peut-être qu'il a mal digéré l'échec, qu'il est toujours déçu par ses scores aussi bas. À l'époque, il était content de son travail, en tout cas. On lui enverra notre podcast. Ouais, c'est ça, pour le consoler. Pour le rassurer. Vous voyez, les petites croix indiquent une simple erreur et les grandes, les fautes impardonnables. Mona Klingerman, par exemple. Mais elle n'est pas morte. Non, mais il vaudrait peut-être mieux pour elle qu'elle le soit. Pour ses parents aussi. Sans parler de Stegman. Je vois que j'ai aussi ma croix pour Stephen Brodsky. C'était une simple erreur, pas une faute professionnelle. Regardez la taille de la croix. On lui fait 400 millilitres. À raison de 2 mg par livre, j'ai calculé que pour un homme de 200 livres, il fallait 400 mg. Sauf que ce n'était pas 2 mg par livre, mais par kilogramme. Lona Massingale était là aussi. C'est elle qui a fait l'injection. C'est pour ça qu'il y a aussi son nom dans votre cimetière. En revanche, je trouve curieux qu'il n'y ait aucune croix dans sa barquette. C'est que Lona n'a jamais pris la responsabilité de quoi que ce soit. J'avais un prof à la fac qui parlait de l'angoisse de la salle d'op. Lona en est la parfaite illustration. Laissez tomber. Vous avez raison, j'ai ordonné l'injection. Parce que je pensais au match de tennis, j'ai mélangé, c'est vrai, les livres avec les kilos. Mais vous, qui vous donne le droit de vous ériger en juge, juré et exécuteur ? J'ai été aussi dur avec moi-même qu'avec les autres, voire davantage. J'avais noté. C'est bien pour ça que je suis encore là. Et donc je pense qu'on va pouvoir passer à nos avis. Donc, Christopher, qu'as-tu pensé de Kingdom Hospital ? Série très sympathique que ce Kingdom Hospital, donc moi, comme toi d'ailleurs, c'était la première fois qu'on voyait Kingdom Hospital tous les deux. Mmh. On avait tous les deux vu par contre l'hôpital et ses fantômes avant, moi depuis très très longtemps avant l'hôpital et ses fantômes. Contrairement, je ne sais plus qui a mis ça dans sa critique, moi, les changements de ton, j'ai adoré. Bah pareil, je trouve que c'est une des grosses qualités. Ah mais c'est ce qui fait le charme de la série en fait. Je trouve même dommage que ça se perde un peu dans la deuxième moitié de la saison. Oui, qui devient plus fantastique. Ouais, voilà. Ouais. Mais dans la première moitié, il y a notamment... alors l'épisode 4, pour toi, celui qui part en comédie musicale sur la fin, c'est n'importe quoi. Oui. L'épisode aussi de l'arrivée de l'avocat. Extraordinaire. Avec l'opération où, oh mon dieu, c'est un avocat, il faut faire attention, donc du coup, chacun prend des caméras pour filmer les mouvements que chacun fait. Oui, alors qu'il est à moitié en train de claquer, il lui faut signer des décharges. Voilà. Comme quoi, il faut pas accuser l'hôpital s'il se passe des trucs. Mmh. Et l'opération va se faire sous la présence d'un huissier. Oui, aussi. C'est complètement fou, cette séquence-là. Scène très très drôle aussi, quand celui qui cherche sa tête prend sa douche, mais qu'il a sa tête dans les mains et qu'il est en train de se laver les cheveux. Voilà, il y a plein de scènes comme ça dans Kingdom Hospital. Je peux comprendre qu'on n'aime pas le changement de ton, mais je pense vraiment qu'en fait les gens qui reprochent ça à la série, ce sont des gens qui ont vu le nom Stephen King au générique et qui du coup se sont attendus à quelque chose de purement fantastique slash horrifique. Oui. Or, on l'a déjà évoqué, on l'a évoqué précédemment dans l'épisode de Cujo, donc l'épisode juste avant, King, très tôt dans sa carrière, il a fait en sorte de ne pas faire que du fantastique horrifique. Oui, et puis surtout, très tôt dans sa carrière, King a eu beaucoup d'humour. Ah oui. C'est très régulier qu'il y ait des touches de comédie dans ses romans. Qu'on reproche ces changements de ton, c'est compréhensible, mais je les trouve vachement bien gérés, moi, justement. C'est ça. Puis oui, alors tu dis que les changements de ton s'effacent au fur et à mesure de la série, mais c'est quand même assez bien amené. Le côté plus sérieux, fantastique, horrifique, même si pour moi c'est plus une série fantastique qu'horrifique pour le coup. Mais ça arrive de plus en plus et ça s'installe de plus en plus, mais c'est bien amené de manière crescendo. Il y a quelques séquences un peu angoissantes quand même, hein, notamment dans l'épisode qui se termine sur la scène de l'ascenseur où Hook va récupérer la poupée de Marie. Je trouve que celle-là, elle a vraiment un climat assez angoissant. Mmh. Alors moi, il y a un truc au niveau réalisation que je reproche, quelque chose qui justement casse le côté angoissant, c'est les coupures pubs. Alors, on sait, aux États-Unis, il y a des coupures pubs tout le temps, mais en fait là, c'est pour cette série-là, le réalisateur a choisi de ne pas faire des coupures pub brutales, mais des coupures avec des fondus en noir. Ouais. Et je trouve que ça casse le rythme, en fait, mine de rien. Par exemple, je pense à une scène, la scène avec le, avec un psychopathe, qui à un moment finit grand brûlé, voilà. Et c'est la scène de la, l'épisode où l'avocat arrive. L'avocat qui essaye par tous les moyens de passer en tête de liste des gens pour recevoir des organes, puisqu'il attend une greffe pour son cœur qui défaille, quoi. Et il y a une scène vraiment terrifiante où le psychopathe qui est à côté de lui, qui est grand brûlé, commence à se redresser tout doucement et le regarde avec des yeux de psychopathe. Là, il y a vraiment une tension qui s'installe. Et au lieu de faire une coupure nette, ça fait une coupure en fondu en noir. Et je trouve que du coup, ça casse un petit peu le rythme. Ouais, et je suis assez d'accord. Après ça, j'ai du mal à le reprocher, à... vu que c'est un peu, je pense, la chaîne qui l'imposait. Ah, ça, je sais pas. Hein, parce que j'ai pas d'exemple d'autres séries où c'est ça. Où c'est un fondu en noir comme ça. Ah, moi, si, par exemple, Dr. House, c'est toujours des fondus en noir. C'est pas des coupures nettes ? Non. D'accord, il me semblait que c'était. Mais. Bref, je trouve vraiment que ça casse la tension que certaines scènes installent. Oui, oui, ça je suis d'accord. Bah, après, c'est le souci des coupures pub. À partir du moment où tu dois mettre de la pub dans un programme, de toute façon, ça va forcément casser quelque chose, je pense. Parce qu'on l'avait déjà dit de La Tempête du siècle, hein, on sentait aux coupures pub qu'il y avait des soucis de raccord. Donc je pense que ça, c'est un défaut de la télé à partir du moment où tu mets de la pub. Et c'est très dur à régler, je pense. Quand tu parles de cet épisode, il y a aussi cette scène qui est à la fois un peu horrible et géniale, parce que l'avocat va passer un contrat avec Antubis, qui est déjà de base une mauvaise idée, pour recevoir un nouveau cœur, et Antubis va effectivement réussir à récupérer un cœur, je sais plus celui de qui. Celui d'un suicidé, d'un mec qui a fait une tentative de suicide. Oui, celui d'un mec qui a fait une tentative de suicide, donc c'est un chien du gardien de l'hôpital déjà qui ramène le cœur à Antubis, et on voit en ombre chinoise, je trouve le plan superbe, Antubis qui plonge la griffe dans le cœur de l'avocat, qui le sort, qui le balance et qui met l'autre à la place. Et là, tu te demandes, quand ils ont redécouvert l'avocat après, qu'est-ce qu'ils ont déduit de l'état dans lequel ils ont dû le retrouver. Et ça, on ne le montre pas, en plus, oui. C'est vrai que... ils sont tellement habitués. En même temps, ils voient des cerveaux avec des vers dedans. Donc. C'est ça qui est incroyable aussi, c'est que les personnages vivent des choses totalement folles, et en fait, pour eux, c'est normal, quoi. Mais tous les personnages sont fous dans cette série. Ah oui, ils sont tous tarés, de plus en plus au fur et à mesure. Et le seul personnage qui est terre-à-terre, c'est la femme de Peter, en fait. Ouais, j'allais dire quand même aussi, j'ai oublié son nom, mais l'infirmière avec qui Hook a une relation. Celle-là est relativement terre-à-terre aussi. C'est vrai. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi l'infirmière qui s'évanouit toujours dès qu'elle voit du sang. Ça, c'est le running gag est génial. Ouais. Qui s'appelle Von Trier, d'ailleurs. C'est l'infirmière Von Trier. Oui. Ce running gag est génial. L'autre running gag que je trouve génial, c'est celui de Johnny B. Good, donc, qui est censé être l'homme à tout faire de l'hôpital et qui n'est jamais là, mais jusqu'à une scène de procès où il est censé être juré, mais il n'est pas là, il a toujours une excuse. Et quand on le voit finalement, c'est le caméo de King dans la série. Qui n'était pas prévu à la base en plus. Oui. C'est au moment de tourner la scène. En même temps, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu avant, bien. On lui demande quoi. Puis il s'est dit, bonsoir, mais c'est bien sûr. Oui, bah oui, voilà, c'est très cohérent dans le contexte. C'est ça. L'univers fonctionne bien. Ouais. L'univers qu'on installe brutalement dès le début. C'est-à-dire, dès le début, on a le personnage de Peter qui fait son jogging, qui se fait renverser très brutalement par un chauffard. Donc, pour un descriptif de cette scène, réécoutez le podcast qu'on a fait sur Dreamcatcher où on parle de l'accident de King, c'est exactement la même chose. Voilà. Et à ce moment-là, il y a Antubis, donc, qui est, on l'a dit, un gros fourmilier avec une dentition assez acérée. Chose que normalement un fourmilier n'a pas, on est d'accord. Oui. Qui va sur le bord de la route rejoindre Peter et qui on imagine utilise ses pouvoirs pour le maintenir en vie autant que les secours arrivent quoi. Antubis d'ailleurs, je sais pas comment c'est en VF mais en VO il a une super belle voix je trouve. Ouais, il a une voix à la fois douce et un peu grave. Ouais, il y a un truc menaçant, tu sens qu'il a de la puissance et qu'il pourrait tout détruire s'il le voulait. C'est vraiment très particulier. Globalement, moi, je trouve les effets spéciaux bien faits. Alors lui, il est très bien fait. Pour le replacer dans son époque. Hein. Bah, Antubis, lui, même encore aujourd'hui, il n'y a aucun reproche. Oui, même encore aujourd'hui, voilà. Il n'y a que quand il monte les dents où c'est un petit peu... Bon, ça accuse un petit peu son âge, mais ça reste très très joli. Même le reste des effets spéciaux, il n'y en a pas qui m'aient choqué. Vraiment, je sais pas si toi, il y en a. Le seul qui me choque, mais c'est un truc qui me choque même aujourd'hui dans le cinéma quand c'est mal fait, c'est l'effet tremblement de terre. Oui. On sent que c'est juste un mec qui secoue la caméra très fort. Ouais, certes. Voilà, c'est le seul effet qui est raté, mais c'est un effet qui, aujourd'hui encore est raté dans les films où les mecs s'en foutent, quoi. Je trouve qu'il y a une direction artistique vraiment très soignée. Alors, on passe du temps dans le véritable hôpital, mais il y a aussi donc l'ancien hôpital qui va être plus ou moins similaire à ce que Madame Drews appelle l'espace Swedenborgien. Je sais pas comment ça se prononce à la française. Et ce décor-là est magnifique, je trouve. Qui est traduit l'entre-monde à certains moments dans les sous-titres français. Alors j'ai noté par rapport à la formule Swedenborgian Space, ça fait référence à Emanuel Swedenborg, qui est un théologien, philosophe, scientifique et mystique suédois du XVIIIe siècle, qui après une série de rêves en 1741, a voulu réformer le christianisme. Apparemment il a écrit plus de 70 livres. En fait, il pensait qu'on lui avait donné accès à un monde spirituel, à l'enfer et au paradis. J'ai pas tout compris, hein, et j'ai fait des recherches rapides, j'avais pas non plus une infinité de temps. Tu m'en diras tant. Mais il a écrit notamment un journal de rêves dans lequel on trouve des rêves érotiques où il parle de ses érections. Donc voilà. Un petit peu le Freud de cette époque, si Freud s'était lâché au niveau cul, quoi. C'est ça. D'accord, ok, bah écoute, c'est Freud très bien. S'est lâché niveau cul. Hein. Oui, mais pas au point de parler de ses érections. Alors, j'ai lu du Freud, il y a pire. Hein. D'accord, merde. Non, voilà, c'était juste pour préciser cette formule. Mais ouais, la direction artistique, je la trouve magnifique. Il y a des décors qui sont grandioses et il y a une photographie qui est très soignée aussi. Mmh. Il y a aussi des bonnes idées au niveau réel. Hein. Au début de la série, avant de reprendre un petit peu plus possession de son corps, au début, il a les yeux toujours clos. Et en fait, lui, on se rend compte qu'il est conscient de ce qui lui arrive parce que il entend les voix autour de lui et il parle surtout. Il répond aux personnages qui lui adressent la parole, même si eux ne l'entendent pas, parce qu'il leur répond dans ses pensées. Et en fait, il y a des plans où en fait on est, du point de vue de son œil, sous sa paupière. Oui. Alors c'est très particulier au début. Au début, on se demande qu'est-ce que c'est que ça, on comprend pas tout de suite ce qui se passe. Mais c'est plutôt intelligent en fait comme plan. Oui, en très beau moment aussi, il y a la première discussion entre Madame Drews et l'esprit du méchant adolescent, où chacun est d'un côté d'un mur et d'un côté de la réalité. Donc t'as Madame Drews qui est dans le vrai hôpital et lui qui est dans l'ancien hôpital. Et ils se répondent à travers un mur et le plan est magnifique aussi à ce moment-là. Donc oui, il y a quelques bonnes idées de réalisation. De toute façon, le mec a quand même pris du galon entre La Tempête du siècle et Kingdom Hospital, clairement. Je pense qu'il a été plus libre, parce qu'on sent aussi que sur le gore, bon c'est pas excessivement gore, mais... C'est quand même, il s'est largement plus lâché que sur La Tempête du siècle. Ouais, clairement. Le psychopathe grand brûlé, il est quand même bien trash. Ouais, il est quand même assez dégueulasse niveau aspect, ouais. Et puis il se prend plusieurs balles dans le buffet et c'est montré, quoi. Ouais, il y a des plans où on voit un cerveau dans lequel des vers sont en train de ramper. Enfin, il y a deux, trois moments où le gore s'invite. Bah, clairement, les passages de chirurgie, déjà. Oui, les scènes de chirurgie sont ensemble vraiment cool. Elles ont un certain dynamisme, elles sont faites caméra à l'épaule quasiment toujours. Elles sont très bien réalisées, ouais. L'autre truc plutôt drôle d'ailleurs au niveau réalisation, c'est quand Peter est amené dans l'ambulance, il y a toute une scène où les ambulanciers essaient de le maintenir à vie. Et dans l'épisode suivant, c'est celui qui l'a écrasé qui va avoir un accident et qui va être amené en ambulance. Et c'est quasiment exactement le même montage qui se répète, avec un des ambulanciers qui dit « c'est toujours la même chose hein. ». Ça m'a beaucoup fait rire. Après, voilà, la réalisation, on peut la trouver assez pâle si on compare à l'original, parce que L'Hôpital et ses fantômes, donc réalisé par Von Trier et un autre réalisateur, mais c'est surtout Von Trier, qui était à sa meilleure période quand même à l'époque, et il fait quelque chose déjà dans un ton entièrement sépia. Alors apparemment, le but du ton sépia, c'était parce qu'il utilisait des caméras d'assez mauvaise qualité pour pouvoir vraiment filmer rapidement, et il a appliqué un certain nombre de règles du dogme sur cette série-là. Du coup, ça permettait de donner moins une impression de misère, de filmer en sépia et de supprimer la couleur, mais ça donne un ton particulier, du coup. Ouais. Et globalement, le montage de la série, c'est tout caméra à l'épaule, il y a beaucoup de cuts, il y a des jump cuts, ce qui était assez rare à l'époque. Enfin, c'est une réalisation très très particulière, et forcément, Craig Baxley fait plus ordinaire, comparé. Peut-être plus dynamique, mais moins fort en ambiance. Voilà, c'est ça. Kingdom Hospital aussi doit beaucoup sa réussite, même si... les critiques sont pas d'accord avec nous, apparemment. Ah, ces personnages. Oui. Surtout, on les a pas encore évoqués, ces personnages hauts en couleur, tous plus extraordinaires les uns que les autres. J'ai envie de parler de Stegman un petit peu. Oui. Je sens que tu as envie de parler de Stegman toi aussi. Dis-nous ce que tu penses de Stegman. Alors, ce personnage est totalement exécrable. Oui. On a envie qu'il lui arrive du mal du début à la fin. Et pourtant, en fait, à la fin, on se dit « Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas de saison 2 pour le revoir, ce connard. » Oui, parce qu'il aurait clairement constitué un très bon méchant pour la saison 2. C'est vraiment un personnage... C'est le genre de personnage qu'on aime détester. Ouais, et puis il a un parcours assez intéressant parce qu'il passe de juste connard à totalement fou. Oui, parce qu'en fait, au début, c'est juste un mec ultra prétentieux. Et du coup, en fait, je disais que le personnage le plus terre-à-terre de la série, c'était la femme de Peter, mais lui aussi, en fait, ultra terre-à-terre, parce qu'au début... Enfin, tout le long de la série, il piche pas ce qui se passe. Ouais. Personne n'est étonné, et lui, il y a tout qui le perturbe, en fait. Bah, disons que Stigman, c'est un peu l'équivalent de... Enfin, de la réputation que ça a, de Scully dans X-Files, c'est-à-dire c'est le personnage qui essaie toujours de rester terre-à-terre, et du coup, il a des dissonances cognitives perpétuelles parce qu'il voit des trucs qu'il ne peut pas expliquer. Bah oui, les vers qui rentrent dans le cerveau, c'est le seul à les voir. Ouais, il y a un autre moment où il est avec Hook, je crois qu'il voit le chien passer avec le cœur. C'est le chien qui passe avec la tête. Le chien qui passe avec la tête aussi, ouais. C'est, parce que le chien se balade beaucoup avec des trucs bizarres. Chien qui pense, d'ailleurs. Oui, et ses pensées sont plutôt drôles, d'ailleurs. Oui. Genre, le chien appartient au vigile de l'hôpital. Ouais. Et à un moment, je me souviens de ce dialogue, le vigile ne comprend pas ce qui se passe, et il fait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il se tourne vers son chien, et son chien lui répond « Bah, j'en sais rien, je suis qu'un chien !» Et c'est plutôt drôle. Ou un autre passage où il commence à féliciter son chien, et le chien fait « Ouais, bah t'es bien content, mais moi j'ai faim maintenant. » C'est plutôt rigolo, ouais. Puis ça, pareil, ça participe au changement de ton, ce chien qui se balade partout, en dépit de toutes les règles probablement d'hygiène. Ah oui, ça, ils en ont rien à foutre, quoi. Donc ouais, Stegman, il est extraordinaire, mais et j'aime beaucoup comment on nous introduit le fait que ça soit un salopard fini, quoi. C'est la scène où tu t'en rends vraiment compte, c'est juste après un tremblement de terre, il y a son bureau qui est sans dessus-dessous, et lui, il appelle à la maintenance de l'hôpital, « Venez nettoyer mon bureau !» Mais gros, tu peux pas le faire toi-même. Ouais, et puis surtout, il peut se douter que tout l'hôpital est comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment la scène où tu te rends compte que, ah ouais, en fait, lui, c'est vraiment un enfoiré. Il essaie d'avoir un revirement. Enfin, j'ai l'impression qu'il essaie d'avoir un revirement dans la... Parce qu'en fait, il a raté une opération, et il y a une petite fille qui est devenue paraplégique, je crois, à cause de son opération, et donc il doit discuter avec la mère de la petite fille, et au début, il essaie de se contenir, et en fait, il va totalement exploser et être odieux, alors qu'il est clairement responsable de cette histoire, comme Hook va s'efforcer de le démontrer par la suite. Après, il se retient, mais tout en étant quand même salaud sur les bords. Ouais, dès le début, il est salaud, mais voilà. Il va vraiment exploser à un moment. Et puis on va découvrir que, au contraire de ce qu'on pouvait peut-être supposer au début, il est vraiment totalement responsable, il cherche à masquer des bilans. Enfin, c'est le mec qui assume pas du tout ses fautes. C'est ça, et puis surtout qu'il est responsable d'autres saloperies faites dans d'autres hôpitaux. Oui, c'est pour ça qu'il a été viré du grand hôpital où il travaillait auparavant. Le fameux hôpital de Boston qui est mieux que tout. C'est ça. Durant la phase finale de l'intervention, nous avons dû supprimer plus de tissu cérébral sain que nous aurions voulu parce que nous voulions éliminer complètement le kyste. J'ai été assisté par un jeune chirurgien, ce qui ne veut pas dire incompétent, mais peut-être trop zélé ou bien trop impulsif. Vous savez, dans le domaine de la neurochirurgie, ce sont des choses qui arrivent parfois malheureusement, mais ces insinuations selon lesquelles j'aurais... Décidément, vous ne comprenez rien. Il ne s'agit pas d'insinuations, il s'agit d'accusations. Vous avez massacré le cerveau de ma fille. Et je vous garantis que ce ne sera pas long avant que vous ayez à répondre de cette accusation devant le juge. Il a compris ou il faut que je répète? Voyons, Madame Klingerman, Dr Stegman, peut-être... Ces chasseurs de bavures médicales, des chasseurs de primes, oui, un tas de vampires toujours aux aguets. Ah, toujours prêts à fondre sur les pauvres parents éplorés pour leur expliquer qu'il n'y a pas de fatalité, mais seulement de mauvais chirurgiens. Je peux vous dire qu'à Boston, où j'ai longtemps assuré des plus hautes... Boston, vous avez tué une femme qui avait un inoffensif méningiome en vous acharnant à l'opérer. Alors que l'anesthésiste qui vous assistait vous avait prévenu plusieurs fois déjà que sa tension chutait dangereusement. C'est un mensonge éhonté. Ce jour-là, j'ai fait un travail exemplaire. Non, et c'est bien pour ça que vous êtes ici, dans le seul et unique hôpital. Allez donc savoir pourquoi, qui vous fait encore confiance. Quant à ma pauvre Mona, vous êtes allée fouiller dans le côté de son cerveau où il n'y avait pas de kyste. Qui a d'autre comme personnage marquant? Je te laisse un petit peu la parole. Bah, il y a Hook, que moi j'aime beaucoup, qui justement est un contrepoint à Stigman, parce que Hook est obsédé par les erreurs médicales. En fait, il garde une sorte de cimetière de poche, c'est-à-dire il a des petits baquets avec des croix qui recueillent toutes les erreurs dont il a eu vent dans l'hôpital, y compris les siennes, et il a beaucoup de mal, parce que le cas Stigman, il va le détester, parce que Stigman est un salaud et n'assume pas ses fautes, et va même faire des choses volontaires pour les masquer, mais Hook n'arrive pas non plus à affronter ce qui sont de simples erreurs assumées et qui n'ont pas forcément coûté la vie à quelqu'un. Il le fait remarquer d'ailleurs à un personnage, à un moment, c'est l'épisode où il y a une ancienne star de baseball qui a fait perdre son équipe en fait pendant un tournoi, il l'a fait perdre son équipe en finale. Et en fait, il engueule un personnage parce que ce personnage le rabaisse, le joueur de baseball, pour avoir fait perdre son équipe. Et justement, il lui dit qu'en gros, il supporte pas qu'on rabaisse les gens pour des erreurs qu'ils ont faites. Et que justement, ça, tu ne peux pas comprendre le pardon envers une personne qui a fait une erreur tant que toi-même, tu n'as jamais fait d'erreur. Oui. C'est ce qui fait comprendre, et c'est juste et plutôt beau comme raisonnement. Ouais, oui, il est vraiment cool comme personnage. Après, il y a Madame Drews qui est très drôle, je trouve. Donc, Madame Drews qui est la médium. Qui enquête un petit peu sur les effets paranormaux, parce qu'un jour, elle a entendu la petite fille pleurer sur l'ascenseur. C'est ça, mais comme elle est obligée d'être à l'hôpital pour pouvoir enquêter, elle passe pour une hypochondriaque auprès de tout le monde. On ne sait pas jusqu'à quel point c'est vrai. Bah, elle était quand même avant même d'enquêter sur les effets paranormaux. Oui, c'est vrai que c'était au moins ses 8e admission, un truc comme ça. Voilà. Mais, en tout début de série, il y a c'est son mari qui est hospitalisé. Donc on peut se dire qu'elle se fait hospitaliser pour rester près de lui, sans doute. On est sûr que c'est son mari ? Ils ont l'air d'avoir une relation assez passionnelle. Ouais, mais à côté de ça, il y a le fils de Madame Hook qui travaille à l'hôpital. Ah oui, on ne voit jamais être particulièrement proche de ce mec. Oui, non, c'est vrai, oui. Donc je pense pas que ce soit son mari. Oui. Bon. Tu suis prêt, c'est ou juste quelqu'un dont elle est proche. Mais moi, je me dis que c'est peut-être pour rester proche de son fils qu'elle... Parce qu'elle passe son temps à l'emmerder quand même. Elle semble très protectrice envers son fils, hein. Une vraie maman poule. Non, oui, il y a vraiment d'excellents personnages. Même Antubis, je le trouve vraiment cool. Il y a un personnage, moi, qui m'a posé souci. C'est le personnage du jeune interne. Elmer ? Ouais. Qui a tendance à draguer une toubib un peu plus vieille que lui et qu'il le... Disons qu'il la drague de manière un petit peu lourde, quoi. Oui, clairement, clairement balance ton porc. Hein. Voilà, c'est ça, c'est... en pleine période de mouvement MeToo, pour lequel je suis plutôt partisan, voir des actions comme ça dans une série ou dans un film, ça a plutôt tendance à me rebuter. Après, Elmer est un connard aussi. Oui, clairement. Je veux dire, on parle d'un mec qui, à un moment, justement, pour se venger qu'elle l'ait repoussé, va vouloir faire croire qu'il est mort... Et donc va décapiter un patient à la morgue qui lui ressemblait. Alors qu'il lui ressemble pas du tout. Ouais. Est-ce que toi aussi Moi j'ai pas noté la ressemblance, mais comme je suis pas physionomiste, je me suis dit que j'étais pas fiable. Ah non, il lui ressemble pas. Bon, moi je trouve qu'il lui ressemble pas du tout. Et du coup il va décapiter un mec juste pour faire une blague, quoi. Donc c'est un bon gros connard, Elmer. C'est sa papa en plus. À aucun moment ses actions sont mises en valeur, mais vraiment ça me. Oui, je comprends. Tu pourrais pas développer plus sur un tubis, hein, si tu veux. Alors Antubis, oui, on apprend plus tard dans la série que c'est Anubis en fait, c'est une manifestation du dieu Anubis, mais c'est Marie qui a mal compris son nom quand il lui a donné. Donc il fait un peu figure de gardien de la vie et de la mort dans l'hôpital. C'est pour ça qu'il apparaît sous la forme d'un fourmilier, parce que donc, pour nos auditeurs qui seraient pas familiers avec la langue anglaise, Ant, donc A-N-T, veut dire fourmi en anglais, donc Antubis, donc c'est pour ça qu'il a la forme d'un fourmilier. Ouais. Il faut le préciser. Oui, c'est un petit jeu de mots qui... C'est ça, qui est plutôt réussi. Et du coup, je me demande comment il l'appelle en VF, ça n'a aucun sens, en fait. Non, je pense juste que c'est ce jeu de mots qui doit passer à la trappe. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il reste quand même le fait que c'est juste Marie qui a mal compris son nom, donc ça peut passer quand même. Oui, voilà. Et du coup, il y a des jeux de mots aussi sur quand il voit des fourmis, c'est Ant... Antlicious... Enfin, c'est bizarre, c'est un jeu de mots entre fourmis et délicieux. Je crois que c'est Antlously Delicious. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, il est vraiment cool aussi, parce que c'est une présence qu'on ne comprend jamais vraiment totalement. Et même dans le dernier épisode, on comprend qu'il a un côté salaud quand même. Mmh. Il a provoqué des trucs qu'il aurait pu empêcher, parce que ça aussi sert un peu ses dessins, une sorte d'équilibre du monde dont on ne sait pas trop lequel il est. Mmh. On dirait surtout que ses pouvoirs ont tendance à grandir au fur et à mesure de la série, parce qu'au début, ça reste très centré sur l'hôpital, et au fur et à mesure, ça s'étend ailleurs dans la ville. Par exemple, il apparaît directement au procès. Et il aide à provoquer la crise cardiaque de l'avocat. Oui, peut-être parce qu'il a beaucoup de monde, il a Peter et Madame Drews qui lui donnent peut-être une forme d'énergie, on peut se demander, mais c'est un des trucs qui reste assez mystérieux et c'est plutôt bien. Qui aurait été, à mon avis, développé dans la saison 2, hein, si saison 2 il y avait eu, mais voilà. De même que l'ambulance fantôme, on n'a pas d'explication. Non, on la revoit pas, oui. Ouais. On la voit qu'une seule fois d'ailleurs, il me semble. Oui, je crois qu'elle apparaît plus dans la série de Lars von Trier, c'est repris aussi à von Trier. Ouais. Mais oui, mais ouais. On la voit qu'une fois, je crois. Mais oui, Antubius, c'est très intéressant en fait, comme personnage. Alors. Après, il y a la fin, la résolution finale, on va dire, qui est en demi-teinte, c'est-à-dire à la fin, tous les personnages vont partir dans le passé pour retourner au moment où sur l'hôpital, il y avait la fabrique d'uniformes. Et en fait, dans cette fabrique d'uniformes, il y a eu un incendie provoqué volontairement par le propriétaire afin de toucher l'assurance. Et c'est là que c'est là que plein d'enfants sont morts. Et Marie, plus tard, a, elle, été... tuée, assassinée, elle avait réussi à s'échapper, elle se fait assassiner parce qu'elle a tout vu et donc elle se fait torturer par un médecin taré, puis tuée. Et donc les personnages retournent dans le passé pour empêcher la catastrophe d'avoir lieu. Et là, l'idée que je trouve très bonne, c'est pour ça que Peter était là depuis le début, il va dessiner à la craie sur un mur un extincteur et réussir à éteindre l'incendie. Et l'idée, je la trouve vachement bonne, mais le truc, c'est que j'aurais voulu que ce soit plus exploité, parce que là, ça se résout relativement facilement en quelques secondes. Oui, c'est le deuxième. C'est un peu dommage, après une série de 13 épisodes, ça aurait été bien que ça développe sur, je sais pas, 10-15 minutes, sur cette idée qui est au fond excellente de Peter qui peut modifier la réalité en dessinant. Il y aurait eu plein de trucs à faire, je pense. Mmh. Avec l'explication dans le journal de l'époque, découverte d'un instrument étrange. Ouais, ça c'est vraiment cool. Sur le lieu de l'incendie. Mmh. Et on voit que c'est un extincteur. Non mais voilà, c'est mon regret par rapport à la série, quoi. Mais c'est une fin à la King, c'est quand même régulier qu'il ait des fins un peu faibles. Et puis la fin, c'est la montée en puissance dans la folie de Stegman. Oui. Avec à la fin, il y a ce plan extraordinaire, on voit les héros, les bons, les gens de la lumière qui sortent de l'hôpital, et où Stegman, lui, est dans son bureau et il les regarde sortir, et il est entouré du jeune adolescent fantomatique, et du médecin fou fantomatique, et il est là, il réclame vengeance. Qui est allemand, hein, comme... Oui, forcément, c'est un médecin démoniaque, il est allemand. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien à préciser. Hein. Ça coule de source, si ça. Alors, tant qu'on est dans les Allemands, est-ce que tu sais pourquoi le chien d'Otto s'appelle Blondie ? Non. Parce que c'est le nom du chien d'Hitler. Ah, d'accord. Et c'est vraiment l'explication, hein, c'est King qui l'a dit. D'accord. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé cette scène et la symbolique de la scène, en fait, parce que pendant toute la série, il y a un seul personnage que tu vois à chaque épisode, quasiment tout le temps dehors, c'est Stegman. Tous les autres, ils semblent être enfermés dans l'hôpital. Il n'y a que les deux personnages trisomiques qu'on voit de temps en temps dehors, mais tous les autres médecins semblent être enfermés dans l'hôpital. Et là, c'est le seul moment de la série où ils sont tous dehors, et où Stegman, lui, reste à l'intérieur et semble, cette fois-ci, emprisonné de l'hôpital. Et du coup, ça renvoie pendant toute la série à cette mécanique où c'est l'inverse qui se produit pour le coup. Deux personnages, d'ailleurs, qui sont repris, les deux, le duo de nettoyeurs de vaisselle, je crois qu'ils s'occupent surtout de ça. Normalement, c'est censé être leur poste. Oui, c'est des plongeurs, ouais. Atteint de trisomie, c'est un concept qui est repris à Lars von Trier. Il y avait aussi ces deux personnages-là dans sa série. Qui ont exactement le même rôle, d'ailleurs. Ouais, ils servent un peu de cœur, en fait. On a l'impression qu'ils savent beaucoup de choses. On ne sait jamais exactement d'où leur vient cette connaissance, mais du coup, ça rejoint pas mal de thèmes de King, puisque ça rejoint un peu le concept des... de Dietz dans Dreamcatcher. Oui, du Dietz du roman. Pas du Dietz du film. Dietz du roman, oui, pas le Dietz extraterrestre. C'est ça. D'ailleurs, même, je trouve qu'il y a toujours un mélange. Est-ce que les scènes dans l'outre-monde, c'est des scènes vraiment dans un autre monde, ou est-ce que c'est dans la tête des persos? Je trouve qu'il y a un côté palais mental, comme si vraiment King réutilisait des idées passées dans une autre œuvre. Oui, parce que des fois, il y a des choses qui se passent dans l'autre monde qui ont répercussion dans le monde réel, et vice-versa, en fait. Oui. Comme typiquement, le cadavre à qui on coupe la tête, son fantôme, lui, quand il récupère sa tête change de place dans le monde réel, et vice-versa, du coup. Oui, et le chien peut passer d'un monde à l'autre. Oui, le chien peut passer d'un monde à l'autre, exactement. C'est un avocat, il n'y a pas une seconde à perdre. Vite, faites-moi tourner la mini-caméra à 24 images secondes, qu'elle ne quitte pas un instant le torse de cet homme. Une seconde caméra filmera chaque membre de l'équipe qui touchera le patient. Une troisième caméra sera fixée sur moi. Vous allez transcrire tous mes ordres en scellant pas à la main, un imprimé en 3 exemplaires après correction et certifié. Au fait, où est l'huissier ? Je suis là, prêt à officier. Danny, est-ce bien là le rapport exact et complet des médicaments et des soins administrés au patient durant son transport au Kingdom ? Oui, docteur. Oui, le saut. Signé. je me présente, Dr. Hook. J'ai fait mes études de médecine à l'université de Columbia de 92 à 96. Diplômé magna cum laude, interne à Hopkins, chef de service à Boston, maintenant sachant ce que ferait un praticien qualifié de même niveau dans des circonstances comparables, dans le cadre d'une communauté similaire et à peu de choses près de la même taille, je vais ordonner 1 mg d'atropine plus 1 mg d'épinéphrine, 100% d'oxygène, grâce à un masque relié à une bouteille de 250 cc. Que Dieu me vienne en aide. Il manque peut-être que la série aurait dû par moments plus assumer de partir dans des errances et ne même pas chercher à avoir de fil rouge sur certains épisodes, peut-être se permettre d'être plus libre, comme pouvait l'être l'original ou comme pouvait l'être Twin Peaks par moment. Parce que là j'ai l'impression que sur chaque épisode, en fait, il y a une structure de procédural dégénérée, c'est-à-dire à chaque nouvel épisode, il y a un patient qui d'ensemble finit plus mal qu'il n'est. Enfin dans un état pire que celui dans lequel il est arrivé. Donc ça c'est l'inverse des procédural. Mais peut-être que des fois il aurait fallu aussi abandonner cette structure, totalement partir dans des errances, des personnages qui savent pas où ils en sont, de l'enchaînement d'ambiance. Voilà, une structure plus libre aurait peut-être. Là c'est peut-être un peu trop entre deux par moment, mais c'est pas un gros défaut. Il y a l'histoire de la secte, je fais des guillemets. Oui. La secte des gardiens qui serait à l'origine de l'hôpital, qui est... enfin, c'est très étrange cette idée. Oui. Surtout que c'est pas utilisé. Bah, je pense qu'on en aurait su plus par la suite. Oui, dans une éventuelle saison 2. Pour l'instant, oui, on dirait une sorte de, ouais, de franc-maçonnerie spécifique à l'hôpital. La franc-maçonnerie hospitalière de la région, alors c'est très bizarre. Avec justement le directeur de l'hôpital, Jesse James, on dirait que tout ce qui l'intéresse, c'est ce groupe-là. Oui, voilà. Avec ses pins qu'il fabrique pendant toute la saison. Oui, on dirait qu'ils jouent dans une trompette, qu'ils soufflent dans une trompette avec leur signal de ralliement, c'est ridicule. Le signal de ralliement est extraordinaire, quoi. Mais en plus, on peut imaginer qu'ils sont pas foncièrement méchants, parce que même des personnages bons sont dedans. Bah oui, parce que Hook en fait partie. Ouais. Donc, d'ailleurs, j'aime beaucoup le nom de l'opération de Jesse James à la fin, qui est l'opération Morning Air. Et tous les personnages ont leur pins au moment où ils sortent, quand le jour se lève. Oui, voilà. Non, c'est vraiment... Que c'est ce mec, Jesse James, il est mystérieux aussi comme perso quand on y réfléchit. Avec son nom, quoi. Oui, non, mais ça, à la limite. On a Johnny Bigood aussi, hein, si tu veux parler. C'est vraiment une série qui est remplie de bonnes idées, mais aussi, du coup, remplie d'idées qui ne vont pas au bout de leurs idées. Mm-hmm. Mais je trouve que ça aurait pu donner lieu à une saison 2, mais ça aurait été bien que la saison 2 introduise d'autres idées qui ne seraient pas exploitées jusqu'au bout, parce que ça introduit aussi une part de mystère qui est vraiment cool, je trouve. Hein. Parce que c'est bien, j'aime bien quand on m'explique pas tout comme oui. Ça, qu'il y a des éléments qui n'ont juste aucun sens en réalité. Mais au moins on a la chance que la saison 1 puisse se suffire quand même à elle-même. Oui. Chose qui, du coup, on conseille quand même l'hôpital et ses fantômes, hein, mais préparez-vous au fait que vous aurez pas de conclusion. Oui, voilà. C'est... Mais après, on peut pas en accuser qui que ce soit. Non. Là, pour le coup, c'est vraiment c'est la faute à pas de chance, quoi. C'est des acteurs qui sont décédés. Et malheureusement, pour Ventrir, c'était ses acteurs principaux, quoi. C'est pas comme si c'était des acteurs secondaires. Oui, c'est ça. C'est pas comme si c'était le chien qui était mort, quoi. C'est peut-être ça aussi qui a fait que Ventrir, et je trouve, enfin là, c'est des plans sur la comète, mais je trouve ensuite un peu parti en cacahuète. Il y a peut-être une série de déceptions qui se sont accumulées, et celle-là, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait jamais totalement digéré, hein, de pas avoir pu terminer sa série. Mais donc, voilà, très bon moment. Il y a quelques épisodes que je trouve un peu plus mou pour ma part. Désolé pour Tabitha King, mais l'épisode dont elle est à l'origine, j'en suis pas fan, c'est celui avec le curé. Oui, c'est celui où je suis pas fan non plus. Et celui d'après, j'en suis pas fan non plus, celui où des personnages sont bloqués pendant le tremblement de terre, je trouve mollasson. Et vraiment, je voulais préciser, c'est vraiment pas un souci du fait d'être raté et donc de pas avoir de bonnes pensées envers la religion ou quoi que ce soit, c'est vraiment que je trouve l'épisode chiant. Ouais, tout simplement. Et puis moi, c'est peut-être lié à mon athéisme, mais je suis moins fan du fantastique qui va être raccordé à la religion. Par exemple, les films d'exorcisme, à quelques très rares exceptions près, c'est pas un truc qui me botte particulièrement. C'est un style qui me touche pas. Et puis en plus, là, l'épisode, il y va avec des gros sabots, quoi. Oui. C'est genre, aussi. Je vous ai amené des pains. Oh, les pains sont multipliés. Non, mais au bout d'un moment. Saviez-vous que dans la Bible, Jésus multiplie les pains? Et voilà, tu sais, au bout d'un moment, quelques minutes avant, tu nous as fait le coup avec l'eau qui se change en vin. Non, mais c'est bon, voilà. On a compris l'idée, c'est bon. Passe à autre chose maintenant. Et vraiment, l'épisode est centré que sur ça. Ouais. Et voilà, moi, pour le coup, c'est vraiment pas un souci le fait que je sois athée, encore une fois. Et que les histoires de religion, ça me passe un petit peu par-dessus la tête. C'est vraiment, je trouve ça mal écrit, en fait. Ça aurait pu être écrit par un enfant de 8 ans qui est en train de faire le catéchisme. Ouais, c'est ça, il y va trop brutalement. Alors, un truc qui m'a fait rire, une anecdote qui m'a fait rire dans le making-of, la première fois que Stigman arrive à l'hôpital, donc toi ça doit être dans l'épisode 2, il arrive avec sa voiture, il la gare comme il peut, et t'as un groupe de jeunes qui se foutent de sa gueule. Et les jeunes en question sont en train d'écouter une chanson, je crois que c'est du rap. Et apparemment, en fait, le monteur son a dû faire beaucoup d'efforts pour supprimer toutes les insultes de la chanson pour pas que la chaîne censure la scène. D'accord. Mais il y a pas mal de... Il dit qu'en écoutant bien, des fois, sur des dialogues, on peut surprendre un mot dans la chanson. Mais il y a pas mal de running gag liés à Stegman qui essaye de se garer. Hein. Ah, mais sa bagnole... en même temps, c'est un connard, quoi. Entre les moments où il se gare sur une place handicapée... Sur la place réservée à l'hélico, quoi. Mais connard. Je disais, t'es content qu'elle se fasse saccager, quoi, sa caisse. C'est ça. Puis les deux... justement, les deux plongeurs qui vont la taguer aussi. Enfin ouais, il y a vraiment tout plein de super bonnes idées, de mélanges d'ambiance qui fonctionnent bien. Mmh. Je trouve que si le plan que j'ai trouvé génial aussi, il est très court, mais c'est un plan avec justement la jeune fille que Stigman a rendue paraplégique, qui se balance avec Marie en face d'elle. Et Marie en photo, en fantôme assis sur le lit, qui font les mêmes gestes. Ouais, c'est ça. Il y a plein de moments où c'est très efficace, tant par l'écriture, par la réalisation, par des petites idées. Donc globalement, c'est une série assez unique. Oui, qu'on peut recommander, ouais, clairement. Ouais, et qu'on peut recommander. Mm. Et moi, j'ai rien à ajouter. Je propose qu'on en passe à la scène, à une scène représentative. On peut passer à la scène. C'est parti. Maman, s'il te plaît, ne m'envoie plus à l'hôpital. Je n'en peux plus, je m'y sens mal. Pas l'hôpital, pas l'hôpital. Là-bas, les gens sont trop bizarres. Quand je pense à eux, je fais des cauchemars. Mentalement, je n'ai pas de retard. Maman, je ne veux plus les voir. Alors, vous vous doutez bien que sur une série en 15 épisodes, c'est un peu dur de choisir un moment. On en a discuté, on a évoqué plusieurs scènes qui nous plaisaient beaucoup. Finalement, on a décidé d'opter pour une scène qui constitue un peu un pivot de l'intrigue, vu que pas mal de choses nous sont expliquées. Donc, Antubis a été piégé dans le monde Swedenborgian, dans la Swedenborgian Space. Le méchant fantôme de l'adolescent lui a fait tomber une grosse barre de fer dessus, donc il est bloqué. La barre de fer. Ouais. Elle peut tout faire. Pardon. Et donc, Marie vient supplier Peter de venir l'aider. Antubis ! Qu'est-ce que c'est ? C'est Antubis ! Il soigne. Et il tue. Je l'ai vu faire les deux. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir ce qu'il a en tête lorsqu'il est en face de vous ? Ça dépend. De quoi ? De vous. Quel genre de créature est-ce donc ? Il se nourrit de maladies. Ce qu'il aime, c'est qu'on le gratte doucement derrière les oreilles. Il est horrible et... magnifique. C'est comme ça que ça marche. Faites quelque chose. Sauvez-le. Sans lui, on mourra tous les deux. Voilà. Il s'est bien fait entumer, hein, Tubis. Celle-là, je vais pas la couper, hein. Qu'as-tu à dire d'autre de cette scène ? T'as des trucs intéressants à dire ou... Non, parce que si t'es au niveau, on passe direct au classement, hein. Pardon. Pardon. J'imagine les gens qui reviennent à ce moment-là, juste après l'extrait, qui tombent sur ça. Oui, c'est ça, alors qu'il y avait un minimum d'ambiance en plus. Hein. Bravo. Oh, pardon, c'est bon. On peut même plus rigoler maintenant. Non, on a parlé de plein de scènes, mais en fait, cette scène-là est sympathique parce que elle met des explications à un moment où il fallait des explications. Oui. C'est-à-dire que globalement, dans les films ou dans les séries, je suis pas fan des scènes qui te balancent plein d'explications parce qu'elles interviennent à des moments où c'est anticlimatique au possible. Exemple, on en a parlé au tout début du film parce que l'actrice joue dedans, Silent Hill. Silent Hill est un film que j'aime beaucoup, mais à la fin, on sent que les producteurs ont dit à Gantz, écoute mec, il faut que tu mettes des explications. Oui. Et c'est un passage qui est uber chiant dans le film. Et globalement, cette scène-là, eh ben, c'est pas ça. Parce que il fallait ces explications-là à ce moment-là, et elles sont bien amenées via un dialogue qui fonctionne bien entre trois personnages, les trois personnages qui apprennent peu à peu à se connaître, qui tissent des liens du coup avec ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est vraiment une scène très maîtrisée. Surtout que l'explication reste relativement floue. C'est Marie qui dit il gère la vie et la mort. Il est aussi gentil que méchant. Ouais, c'est ça, ça reste quand même. Parce que même elle, en fait, ne sait pas grand-chose en Tubis, c'est son ami, parce que c'est son seul ami. Enfin, c'est... elle devrait retrouver Casper, en fait, Marie. Voilà, pour bien s'entendre. Là, pour le coup, c'est elle, Casper. C'est ça. Même elle, elle n'en sait pas grand-chose de ce qu'il fait. Elle n'a pas la pleine mesure de sa dimension divine. Et Antubis conserve le mystère. Il va remercier Peter, il va lui dire « plus ou moins, je t'en dois une ». Mais voilà, ça va rester très mystérieux. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette scène. Qui est en plus un moment où vraiment tout converge déjà, elle est bien jouée. Elle se passe dans l'outre-monde, donc la direction artistique, comme on l'a déjà dit, fonctionne vraiment super bien. Et je trouve que la musique de Gary Chang, pour le coup, est très efficace. Comme j'ai dit, je la trouve un peu inégale sur cette série, mais là, elle est vraiment chouette. Ouais, et puis c'est à partir de ce moment-là où, vraiment, Antubis va prendre conscience que Peter est de son côté, en fait, que Peter fait partie des bons. Ouais. C'est à partir de là où il va lui donner des conseils, ouais, où il va l'avertir. De... Alors, je crois qu'il a déjà averti, il y a déjà eu le psychopathe, je crois. Ouais, il y a déjà eu le passage où quelqu'un va te rejoindre dans ta chambre, fais gaffe à lui. Je crois qu'il va peut-être plus l'utiliser. Comme étant potentiellement quelqu'un de son côté qui peut lui servir. Ouais. Avant, il est peut-être plus méfiant envers cette dimension-là. Disons qu'à partir de ce moment-là, surtout, il va rester dans l'ombre, et quand quelqu'un de méchant pourrait faire du mal à Peter, il va le regarder méchamment en grognant, oui, pour bien faire comprendre à l'autre que, bah, le touche pas. Ouais, c'est mon soldat. Voilà. Alors, et on voit des trucs sur les effets spéciaux de cette scène-là, en fait, il y a le seul vrai bout d'Antubis sur le tournage, c'est le bout de peau que... enfin, le bout de fourrure que Marie est en train de caresser. Mmh. Oui, parce qu'ils ont fait un Antubis en version animatronics, ouais, mais ils ont préféré, au final, faire uniquement de l'image de synthèse, parce qu'ils trouvaient que l'animatronics était bien fait, mais risquait de rendre ridicule à l'écran. Je pense que c'est la bonne décision qu'ils ont prise. Oui, pour le coup, oui. Puis encore une fois, vraiment, pour l'époque et pour la télé, les effets spéciaux sont vraiment bien gérés. Mmh. Je sais pas comment ils ont fait ça. Apparemment, le budget, en plus, était bon, de 37,5 millions de dollars. C'est une estimation. C'est beaucoup, mais il y avait 15 épisodes à faire. Donc, quand on y réfléchit, c'est pas non plus une fortune. Mmh. Puis beaucoup a dû passer dans Antubis, hein. Je pense, oui. Pour soi, à mon avis, les cachets des acteurs ne devaient pas être monumentaux, vu qu'il n'y en a aucun ultra connu. Mmh. Et voilà, il y avait quand même du taf, hein, dans cette histoire. Donc ouais, c'est une scène qui est très cool. Après, voilà, le souci de Kingdom Hospital, c'est que c'est impossible de choisir une scène qui représente toute la série, voilà, vu que, comme on l'a dit, ça mélange plein d'ambiances, donc on aurait pu choisir un moment de drame, non, ou on aurait pu vous choisir un moment de comédie. D'ailleurs, je pense que dans les extraits que j'intercalerai, j'essaierai de mettre un peu de tout. On peut rapidement évoquer les autres scènes avec lesquelles on a hésité, hein. On a hésité, oui, avec la scène de l'accident, forcément, parce que c'est celle qui déclenche les événements. Ouais. On a hésité avec toi, une scène que t'as beaucoup appréciée, c'est une scène qui tourne en comédie musicale. Oui, à la fin d'un épisode, on sait pas pourquoi ça part en comédie musicale, il y a aucune explication. Avec le psychopathe. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est même pas qu'à la fin, c'est au début aussi. Qui lui-même chante, hein, oui, au début aussi. Parce qu'au début... Lui-même, il se réveille tout d'un coup de son opération et il se met à chanter. Il se met à chanter. Mais pourquoi ? Il y a la scène qu'on a évoquée tout à l'heure, où l'avocat arrive et donc tout le monde se filme, on lui fait signer des charges. Surtout que vraiment, niveau montage, elle est super dynamique, cette scène-là. Ouais, il y a celle-là qui nous a vraiment beaucoup marqué. Et puis, ouais, il y en aurait eu plusieurs. Il y a plein de moments, en fait, qui marchent. Dans chaque épisode, je pense qu'on peut relever un moment, ouais, qui marche bien. C'est ça. C'est vraiment cool. Mm. C'est même les maladresses, il y en a quelques-unes. Notamment, je trouve, dans le double dernier épisode, il y a des flashbacks des précédents épisodes et ils sont un peu trop intrusifs. Je trouve un peu trop longs. Mm. Mais globalement, c'est une série qui a plus de qualité que de défauts. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on... Toi comme moi, on a du mal à comprendre les avis négatifs. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est parce que les gens s'attendaient à un truc horrifique, Von King. Ouais, peut-être. Ils ont vu le nom Stephen King, bah, ils ont pas cherché à comprendre. Pour eux, c'était horrifique, fantastique, et voilà, ils s'attendaient à ça. Et... Mais ouais, du coup, ça mérite d'être redécouvert aujourd'hui. Les DVD se trouvent assez facilement, donc n'hésitez pas. C'est ça. Parce que tu vois, c'est pour reprendre encore la critique de je sais plus qui, on n'a pas aimé le changement de ton, bah, pis, c'est comme ça, quoi. Oui. T'as pas aimé ça, bah t'as pas aimé ça, c'est tout. C'est sûr que du coup, il y a plus grand chose à apprécier si on n'a pas aimé ça, parce que c'est quand même très présent. Voilà, c'est ça. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je propose qu'on passe au classement. On peut passer au classement. C'est parti. Donc, pour le classement, encore une fois, évidemment, pas de classement livre sur cet épisode. Et donc, pour les films, nous avons... Je ne vais vous lire que les trois premiers et les trois derniers, vous trouverez la liste complète dans la description de la vidéo. Nous avons donc en premier Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom et Cujo de Lewis Stieg. Et en trois derniers, La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, Les Démons du Maïs de Donald P. Borcher et Le Fléau de Mick Garris en bon dernier. Et donc Kingdom Hospital... Où est-ce que tu verras ça, Issa ? Bah, encore une fois, je vais ressortir mon argument. À partir du moment où il y a une intention de réalisation et une ambiance unique, pour moi, c'est au-dessus de Cimetière, déjà. Au-dessus de Cimetière. Cimetière qui est, du coup, cinquième place. Cinquième, ouais. Attention, c'est beaucoup mieux que La Tempête du Siècle, donc oui, déjà. C'est mieux que... Oui. Oui, je te suis. Donc, au-dessus de Cimetière. Par contre, je t'avoue que j'ai quand même du mal à le voir au-dessus de La Part des Ténèbres. Ah, moi, je l'aurais placé au-dessus de La Part des Ténèbres. Ouais. Fait. Parce qu'il est peut-être plus maladroit, mais il y a quand même des idées... Enfin, il y a tellement de trucs que je trouve tentés, pas toujours réussis, comme on l'a dit, il y a des faiblesses, mais que je trouve essayé, j'ai envie de... Enfin, j'ai vraiment été réjoui par le fait, à chaque épisode, d'avoir une petite surprise, un petit truc que je m'attendais pas à voir. Donc je le mettrais au-dessus de La Part des Ténèbres, pas tant pour la qualité que pour la démarche. Et pour l'originalité, quoi. Ouais. Ouais, je te suis. D'accord. Bon, du coup, La Part des Ténèbres va arriver en cinquième position. Ça fait deux épisodes de suite qui reculent, le pauvre. Le pauvre. Désolé Romero, encore une fois. Mais voilà, vraiment, redécouvrez le Kingdom Hospital. Il y a plein de trucs à se mettre sous la dent. Et au moins, c'est une série intéressante. Même si vous aimez pas, on peut difficilement nier qu'elle a une originalité. Ah oui, ça, clairement. Et même si on estime qu'elle est moins originale que la série de Lars von Trier, je pense que la démarche... voilà, aujourd'hui, on en fait peut-être plus des séries vraiment originales, vraiment audacieuses comme ça, mais il faut replacer aussi dans son contexte. C'est ça. Et puis, bah, pour le coup, on peut aussi vous conseiller d'aller voir L'Hôpital et ses fantômes hein, de von Trier, même oui. Si vous n'aurez pas de faim. Oui, et puis c'est quand même plus particulier. Hein. Attendez-vous à une réalisation bizarre. Bah, et l'ensemble est plus gore. Et pour le coup, Stigman, c'est vraiment encore plus un salaud dans mon souvenir. Mais pour le coup, en fait, c'est deux histoires plutôt différentes, mais qui proposent le même thème, c'est-à-dire l'hôpital hanté, quoi. Ouais. Et c'est deux visions assez distinctes. Et du coup, ouais, ça mérite d'être vu, que les deux séries soient vues. Ah oui, clairement, oui. C'est aussi ça qui est bien, c'est que King a su vraiment se démarquer. Se démarquer, alors que c'est un truc récurrent dans les remakes américains, c'est de vouloir trop copier l'original, ou alors de le vider de toute son âme. Là, King a su se démarquer, faire un truc qui est une âme, mais une nouvelle. C'est ça. Donc voilà, quatrième place pour Kingdom Hospital. Et nous allons procéder au tirage au sort pour les deux prochains épisodes. Ah, le moment que nous attendons tous. Issam s'agite dans le petit chapeau, il tire un papier et me tend le chapeau. Alors, c'est un épisode de Rêve et Cauchemar. Ah. Et c'est la dernière affaire d'Humney, qui est une nouvelle donc, de Rêve et Cauchemar, réalisée par Rob Bowman. D'accord, donc je n'ai ni vu le film, ni lu la nouvelle. Ouais, donc par rapport à Rêve et Cauchemar, on a choisi de mettre la série indépendamment, enfin chaque épisode de la série indépendamment, parce que comme c'est une série d'anthologie, et que l'ensemble c'est écrit et réalisé par des gens différents, ça aurait été pas très pertinent de traiter tout ensemble, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc voilà, ça fera des épisodes sur des trucs plus courts, vu que chaque épisode fait une quarantaine de minutes. Mais ça me paraît plutôt bien de faire comme ça. Ouais. Alors, j'ai un petit papier dans la main. Et j'ai tiré Jesse de Mike Flanagan. D'accord. Et toujours pas de suite, hein. Toujours pas de suite. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour la dernière affaire Dumnay de la série Rêve et Cauchemar, et dans 1 mois donc pour une adaptation très récente, enfin relativement récente avec Jesse, parce que ça a 2-3 ans quand même maintenant. Oui, c'est ça. Vu qu'il a fait Dr. Sleep après. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @augrédesbulles pour moi. Et dans 2 autres podcasts, Casse sur table consacré aux nouveautés manga, comics et BD. Et La Guerre des Claves consacrée au cinéma en général. Le dernier épisode était consacré à L'Armée des Ombres de Melville. Mmh. Le prochain sera consacré à Sacré Graal, des Monty Python, de Terry Jones et Terry Gilliam. Et en attendant, n'oubliez pas que... Le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Salut.